jolie rêve. Et c'est ce qu'il écrit à tue-tête. Attendre si long je crève. Je veux partir ailleurs déjà. Destination quelque. Qu'il